Laurent Garnier, de 17h à 18h, exclusivement sur Couleur 3. It is what it is. Un début plutôt drum and bass d'Arcos, hein, cette semaine. J'ai des jours comme ça. C'est l'humeur du moment. C'est la vie, ça. On va calmer l'affaire, là, complètement. Même si on est en début d'émission. Tiens, cette semaine, on chamboule tout, on fait tout à l'envers. On va écouter un très beau titre tiré du nouvel album de Bibi Tenga. L'homme à la voix qui me donne toujours des frissons quand je l'écoute. Hein. L'album est sorti sur le label Nat Geo Musica. Et lui va carrément vous emmener sur la lune. Hein. Le morceau s'appelle The Moon. 3. Has a face like the clock in the hall. She shines on fields on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birds asleep in the forks of the trees. The squalling cat and the squeaking mouse, the holding dog by the door of the house, the bird that lies in bed at noon. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. All love to be out by the light of the moon, but all the things that belong to the day, cuddled in sleep to be out of our way. And flowers and children close their eyes till up in the morning. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. Rise, rise, rise. The sun shall arise. Oh, oh, oh. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. The sun shall arise. the sun shall arise. Je vous avais dit qu'il avait une voix à donner la chair de poule, ce Bibi Tenga. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Ça m'a fait du bien. On va monter doucement, mais sûrement, avec une espèce d'étrangeté jazz. Tiré du nouvel album signé Forty Rose. L'album s'appelle Extensions. Et en fin de compte, l'album regroupe que des réinterprétations originales de la musique de Four Hero par des artistes triés sur le volet. Là, on écoute tout de suite le morceau Blank Cells, réinterprété par Luke Parkhouse et le Shark Food Orchestra. Tout un programme, moi je vous le dis. Parkhouse et le groupe de la bouffe à requin de Shark Food Orchestra. Mais j'arrive pas à imaginer pourquoi le groupe s'appelle comme ça. Alors je sais très bien que très souvent on donne des noms un peu stupides au groupe ou alors des noms très bizarres à des morceaux. Souvent on me demande pourquoi j'ai appelé un morceau Crispy Bacon ou alors The Man with the Red Face. Et c'est vrai que des fois les histoires ne sont pas à piquer des hannetons. Mais là, la bouffe à requin, je sais pas. Alors là, c'est un autre nom de groupe à rallonge, le Analog People in a Digital World. Ils se sont associés à Team Deluxe pour faire cette espèce de bombasse. Appelons un chat un chat. C'est une bombe, c'est une bombe. Le morceau s'appelle It Just Won't Do. Ça ne le fera pas. Moi, je pense que ça le fait. J'ai déjà joué et ça le fait carrément. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous devriez le garder, celui-là. C'est un bon truc. Ça marche. Yeah. Laurent Garnier sur Couleur 3. On vient juste d'écouter un jeune garçon de Milan, un Italien, sous le nom de Brioschi. Il vient juste de sortir un maxi qui s'appelle I'm Looking For You sur le label Witty Tunes. Je sais pas grand chose sur ce petit label. Je découvre, je cherche et je découvre. On trouve pas tant de disques italiens que ça. Ils ont une grande période fin des années 80 et puis depuis, il n'y a pas eu tant de gens que ça, pas tant de DJ, pas tant de producteurs que ça. Pour faire un peu briller l'Italie, alors qu'ils ont plein de très bons producteurs, ça serait peut-être bien qu'ils s'y remettent là au travail, les Italiens. Pour tout le reste de la playlist de l'émission et pour écouter les anciennes émissions en streaming, vous allez sur le site www.pedrobroadcast.com et vous aurez tout ce que vous cherchez, et même bien plus d'ailleurs. J'ai envie d'écouter du dubstep, c'est bizarre ça, hein. Il y a des trucs comme ça que j'aime bien écouter souvent, très très souvent. Alors ça, c'est la musique d'un duo originaire de Croydon. Croydon, c'est une petite banlieue londonienne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils se définissent comme étant des artistes qui fabriquent leur musique avec des jeux électroniques d'enfants, des claviers cassés. En fin de compte, ils utilisent n'importe quoi à partir du moment où il y a un bitrate bien crado dans l'instrument. Voilà, ils aiment bien les machines fabriquées à Taïwan, construites pour amuser les enfants pendant 30 secondes. Et eux, ils font revivre tout ça. C'est-à-dire qu'ils prennent du vieux, ils prennent du cassé, avec des sons pas forcément énormes, et ils en font des trucs absolument massifs. Le groupe s'appelle Tech One, le morceau s'appelle Broken String, et ça sort sur le label Hench Record, en Angleterre bien sûr. Ça fait toujours plaisir à entendre, surtout de la part de l'EPD. Et toi, tu fais chier. Mêle-toi de tes affaires, toi. Allons, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats, alors dans ce taudi, je vois pas pourquoi ils se feraient chier. Alors, je vous laisse manger. Bon appétit. Laurent Garnier sur Couleur 3. J'ai trouvé une voiture là à Séoul. Et il est 7h du matin. C'est vide. On est dans une voiture, on va très très vite à l'aéroport. Parce que sinon je vais rater mon avion. Et c'est assez irréel parce que le soleil se lève, il y a de la neige partout. C'est absolument magnifique. Mais je vais rien voir. Voilà, j'ai passé 12 heures à Séoul. C'était une visite très express. Puisque c'était express, on va écouter un morceau très très express. Whatever. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, duh. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever. The United States of Whatever, signé Liam Lynch, morceau que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'ai découvert d'ailleurs en écoutant Couleur 3. Merci à Couleur 3. Il y a une Jamaïcaine qui va sortir un album très bientôt sur le label Route Down Records. Elle s'appelle Jackie, J-A-Q-E-E. Et je peux vous dire que elle chante comme Amy Winehouse. C'est vraiment la Amy Winehouse de Jamaïque. C'est un album à écouter absolument. Espèce de reggae très très soul, très funky comme ça. L'album s'appelle The Land of the Free. On écoute tout de suite le tubesque Pink Drunken Elephant. Mixed emotions that we overlay. The drunken always the same. Toi. Yeah, it is what it is. C'est l'heure de redescendre un petit peu. On va s'asseoir. On va monter le son. On va fermer les yeux et on va écouter un des derniers morceaux du très prolifique Mike Monday. Produit aussi avec Andy Cato. Le morceau s'appelle Love is the Word. Il n'a pas tort ce monsieur Monday. Love is definitely the word. Laurent Garnier, 17h, 18h sur Couleur 3. Bien reposé. Eh ben ça a pas duré. Là on va dans le couillu, dans le big, dans le gros, dans le truc qu'envoie la monnaie quoi. Le nouveau Boys Noise. Eh oui, j'aime ça aussi. Ça c'est un petit edit que j'ai fait. Je trouve qu'il me manquait une petite minute de plus, donc je l'ai rajouté. Le morceau s'appelle Transmission. C'est tiré de leur tout dernier album, Power. We'll be right back. what it is. Voilà, ça c'était l'avant-dernier morceau pour l'émission de ce soir. Pour retrouver toute la playlist de l'émission www.pedrobroadcast.com, vous pouvez écouter les anciennes émissions en streaming et voir tout ce que je vous ai joué ce soir, noter sur des petits papiers et aller acheter un peu de disques. Ça donne le moral d'acheter des disques et d'écouter des bons trucs. C'est trop court une heure. Je me répète, hein, mais c'est trop court. Moi j'aime bien jouer des heures carrées. C'est pas grave. Allez, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, comme d'habitude, sur la même fréquence. Et on se retrouve au Mali, on se retrouve en France, on se retrouve en Suisse, et puis en Belgique, bien sûr. Je vous laisse avec Glocal. Le morceau s'appelle Sing Song. C'est assez con-con comme nom de morceau, mais... Sing Song, c'est bien comme ça. Voilà, on est content et on se quitte en joie. Allez, passez une très très bonne semaine. À très très bientôt. Bye bye, it is what it is. Bye bye.